Arrêtons-nous maintenant, chers auditeurs, sur un collaborateur de l'apôtre Paul qui occupe une place toute particulière dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Luc, le médecin. Le médecin bien-aimé, comme dira Paul à son sujet. Luc, l'ami intime des jours difficiles et peut-être le plus fidèle de tous les amis de Paul, mais n'anticipons pas. Je vous invite à rejoindre l'apôtre Paul dans son deuxième voyage missionnaire durant les années 49 et 50 de notre ère. Il traverse la Pisidie et la Cappadoce, des provinces qui se trouvent au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Parvenu en Galatie, une région proche de la ville moderne d'Ankara, l'apôtre tombe malade. Il doit s'arrêter. Mais cet arrêt forcé lui donne l'occasion d'annoncer l'évangile aux Galates. Nous apprenons ces détails par la lettre que Paul adressera aux chrétiens de Galatie quelques années plus tard. Nous lisons Galates 4, versets 13 à 15. « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Ce passage est révélateur de deux faits. D'abord, il nous montre l'attitude des Galates à l'égard de Paul, puis il nous donne une indication du genre d'infirmité dont souffrait l'apôtre. Si les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour Paul, c'est que probablement il souffrait d'une affection oculaire. Un passage de la fin de cette même épître le confirme. Paul a dicté la plupart de ses lettres, mais pour l'épître aux Galates, il avait pris la plume lui-même. Sa faible vue l'avait obligé d'écrire assez gros, c'est pourquoi nous lisons « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Galates 6, verset 11. Quant aux Galates eux-mêmes, ils avaient reçu Paul comme s'ils avaient eu l'honneur de recevoir Jésus-Christ lui-même. Ils l'ont entouré de soins et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le soulager. C'est vrai qu'ils n'avaient peut-être jamais vu un malade se comporter comme Paul, patient dans l'épreuve, s'oubliant lui-même et ne se plaignant pas de son mal. Pourvu que le nom de Christ soit annoncé et glorifié. Peut-être l'entendirent-ils dire ces paroles sublimes que nous retrouverons dans un de ses récits. « Je me plais dans les faiblesses, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. L'épreuve de Paul a abondamment servi la cause de Christ, car, à cause de cet arrêt forcé en Galatie, de nombreux païens ont entendu l'Évangile et plusieurs d'entre eux ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et sont devenus ses disciples. Depuis ce moment-là, Paul a besoin de soins, et s'il veut poursuivre son voyage, quelqu'un de compétent sur le plan médical doit l'accompagner. Dieu permet alors que Luc, un médecin, se joigne à la petite troupe des compagnons de Paul. Comment savons-nous que Luc, le médecin, a accompagné Paul dès son deuxième voyage, et plus précisément après son retour en Galatie? C'est un détail rédactionnel dans le livre des Actes au chapitre 16 qui nous le révèle. En assistant l'apôtre Paul, Luc deviendra aussi son chroniqueur, puisqu'il sera appelé à rédiger le livre des Actes des apôtres. Nous y reviendrons tout à l'heure. Qu'il nous suffise pour l'instant de vous faire remarquer le changement qui intervient en Actes chapitre 16, précisément le chapitre qui mentionne l'étape de la Galatie jusqu'au verset 8. Il est toujours question de l'apôtre et de ses compagnons, à la troisième personne du pluriel. « Ils traversèrent la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils descendirent à Troas. » Puis, subitement, au verset 11, on lit « Nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine. Nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. » Et ainsi de suite. Luc a accompagné Paul dans la plupart de ses voyages depuis ce moment-là. Il est allé avec lui en Macédoine, puis en Grèce et ailleurs encore. Au chapitre 21 du livre des Actes, Paul et ses compagnons arrivent à Jérusalem. C'est là que Paul sera arrêté dans le temple, accusé faussement, puis emprisonné pendant 2 ans à Césarée. Encore un arrêt forcé. Cependant, Paul n'est pas seulement devenu prisonnier de César, il est avant tout prisonnier de Jésus-Christ, comme il le dira lui-même. Nous ne savons pas s'il a rédigé des épîtres pendant ces 2 années d'incarcération à Césarée. Une certitude pourtant, chaque fois qu'il est possible, il témoigne de son Seigneur devant les grands de ce monde. Actes chapitre 24 à 26. Et qu'est-ce que Luc a fait pendant tout ce temps? Nous avons toute raison de croire que Luc a mis ses 2 précieuses années à profit pour s'informer très exactement des événements qui concernaient la vie terrestre de Jésus-Christ. Luc n'avait probablement jamais vu ni entendu Jésus personnellement. Cependant, Dieu l'a choisi, lui, pour devenir l'auteur d'un évangile, et cela en vertu de l'inspiration déterminante de l'Esprit-Saint. Pour Luc, deux ans n'étaient pas de trop pour mener à bien son enquête. Conscient de l'importance d'une telle rédaction, il accomplit des recherches avec minutie et grand sérieux. Il en témoigne dans les premières lignes de son évangile où nous lisons Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit. Luc dédie son récit à une personnalité du monde grec, l'excellent Théophile. Il poursuit en cela un but bien défini. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et non seulement Théophile, mais des millions de croyants après lui ont profité de cette narration, qui, parce qu'elle était au bénéfice de l'inspiration du Saint-Esprit, ne pouvait être que rigoureusement exacte. Deux ans se sont écoulés, nous sommes en l'an 59. Le gouverneur Festus de Césarée décide de faire comparaître Paul devant l'empereur à Rome. Luc se retrouve alors aux côtés de l'apôtre sur le navire qui l'emmène en Italie. Il est donc du nombre des passagers qui ont fait naufrage dans la mer Ionienne, et il est lui aussi parmi les rescapés recueillis sur l'île de Malte, Actes chapitres 27 et 28. Pendant les dernières années de la vie de Paul, Luc sera vraisemblablement son compagnon de tous les instants. Il partagera les soucis de l'apôtre par rapport à la marche des églises, il pleurera avec lui, souffrira avec lui, se réjouira avec lui. Dans plusieurs des épîtres que Paul a écrites de Rome durant sa captivité, il mentionne Luc, son compagnon d'œuvre, Philémon 24, et son médecin bien-aimé, Colossiens 4, verset 14. Comme au temps où Paul était enfermé à Césarée, deux ans s'écoulent. Deux ans d'attente pour l'apôtre, avant de comparaître devant César, mais deux ans qui seront aussi mis à profit par Luc. Tout laisse entendre que c'est pendant cette période qu'il a écrit le livre des Actes des Apôtres. En l'an 62, Paul a vraisemblablement été mis au bénéfice d'une liberté provisoire. Ce sursis lui aurait permis de visiter une dernière fois certaines églises de Grèce et d'Asie mineure. Mais sous le régime de l'infâme Néron, l'étau de la persécution ne tarde à se resserrer, et Paul doit comparaître une seconde fois devant l'empereur. Paul est maintenant un vieillard, et il pressent que sa fin approche. Il en témoigne, lorsqu'en l'an 66, il écrit à Timothée, son fils dans la foi, son disciple fidèle. « Car pour moi, le moment de mon départ approche. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. » 2 Timothée chapitre 4, versets 6 et versets 9 à 11. Luc seul est avec moi. Alors que tous ses autres compagnons sont partis ou l'ont abandonné, l'apôtre Paul bénéficie d'une présence humaine, d'une consolation permanente, de l'intimité d'un ami fidèle à toute épreuve. Oh, la noblesse des sentiments de Luc et le courage dont il a fait preuve en restant auprès de Paul à l'approche de son martyre. Demeurer avec lui, c'était risquer à son tour le bûcher ou les lions du Colisée, mais Luc ne cherche pas à sauvegarder son bien-être ou sa sécurité. Il est pour l'apôtre le compagnon d'œuvre des mauvais jours et maintenant, il est prêt à l'assister jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Luc seul est avec moi. Chers auditeurs, êtes-vous prêts à affronter seul une situation difficile par amour pour Christ ? Il est tellement plus facile de servir le Seigneur quand nous sommes plusieurs, quand on peut se serrer les coudes, répartir les fardeaux sur plusieurs épaules et que d'autres partagent les coups durs avec nous. Mais nous avons peut-être à demeurer seuls aux côtés de notre Seigneur rejeté, seuls chrétiens dans notre famille, au bureau, à l'atelier, en classe, au lycée ou au régiment, seuls pour recevoir des coups, seuls pour porter des responsabilités, seuls pour endurer, souffrir et souffrir encore. Seul, même pour affronter l'épreuve suprême. Seul, et cependant jamais seul, car le Seigneur Jésus nous a précédés dans l'épreuve, et il veut être avec nous dans la difficulté. N'a-t-il pas dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33, et dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avec Jésus, ici-bas dans l'épreuve et la solitude, puis dans sa gloire éternelle, que le Seigneur fasse de nous ses compagnons d'œuvre fidèles à toute épreuve jusqu'au bout.